19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Eh bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va bien pour vous. Ce soir, qu'est-ce qui vous attend? Eh bien, quelques nouveautés. Normalement, elles seront au nombre de 3. Enfin, ça va dépendre si je vais être bavard et ça va aussi dépendre en grande partie aussi en fonction de mes invités. Et avant, je voudrais dire aussi un grand bravo à l'ami Chris et à l'association Creek for Zik pour le festival Creek Fest 2 qui a eu lieu samedi, donc... À Cléry, vraiment bonne organisation, bon groupe. Vraiment, je crois que le professionnalisme de Heartline a vraiment séduit tout le monde. Bref, Chris, bravo, recommence l'année prochaine. Donc, les nouveautés, c'est une chose, mais ce qui est le plus important ce soir, eh bien, comme la semaine dernière, j'ai des invités. Et l'un de nos deux invités ce soir est un habitué d'Electric Shock, bien que là, ce soit pour un nouveau projet. C'est un groupe que vous avez certainement entendu parler de ces dernières années, c'est Orpheum Black. Orpheum Black qui est né donc des cendres de No Sign Nothing et de Wild Hound. C'est bien ça. Bonsoir Romain, bonsoir Alexis. Bonsoir. Ravi de te revoir à nouveau. Ah ben, je suis très content d'être là. Et bienvenue à toi Alexis dans les studios donc de Electric Shock. Donc Orpheum Black, c'est bien ça, c'est né donc des cendres de Wild Hound et de No Sign Nothing, si je comprends bien. Exact, Melo était dans de No Sign. Et à la base, en fait, avec Greg, on avait décidé qu'on voulait plus faire de musique, enfin en groupe, parce que c'était chiant, c'était trop dur, il y avait trop de galères. Et on avait créé un petit projet qui s'appelait Mojo Driver, avec lequel on faisait juste des covers sur Internet. Et Greg, il est hyper fan d'Anathema, et il voulait absolument reprendre un morceau, et dans la version originale, il y avait une femme. Il a proposé à Melody de faire cette reprise-là avec nous. Et suite à cet enregistrement, ils ont été hyper fans les deux. Oh, c'est super ce qu'on a fait. J'ai trop aimé chanter avec toi. C'est génial. Et puis, Greg a dit, oh, bah, du coup, j'ai envie de refaire un groupe. Et puis, il m'a tanné pour lancer un nouveau projet. Puis, j'ai dit oui. Et nous voilà, 4 ans plus tard. Voilà. Devant toi. Et donc pour ce soir, on va donc découvrir en avant-première votre nouvel album qui doit sortir, je crois, le 5 mai. Donc ce sera vraiment une découverte. Et puis aussi, on va parler aussi de votre passé, puis de l'actualité aussi, de pas mal de choses. On va commencer avec ce qui était une des nouveautés la semaine dernière, le groupe Asylum Pyre. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, je connais. Eh bien, leur 5e album, qui est vraiment une pure merveille, qui est sorti là il n'y a pas longtemps, Call Me Inhuman. On va se faire un petit extrait là maintenant avec le morceau Virtual Guns. We'll be right back. vraiment sympa et un groupe, je pense, qui se bonifie vraiment avec le temps. C'était Asylum Pyre avec un extrait de leur nouvel album Call Me Newman, The Son, The Fight, Part 5, et c'était le morceau Virtual Guns. Ça vous a plu? Ouais, carrément, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Et puis, pour les gars et la fille sont vraiment sympas aussi. Je sais pas si Romain, t'avais eu l'occasion de discuter un peu avec eux? Non. Quand tu les avais vus en concert? Non, pas eu l'occasion. On va changer complètement de registre avec de la série Faisons du Neuf avec du Vieux, avec un groupe culte de Toulouse, les Fils de Joie, qui avait sorti quelques 45 tours autoproduits dans les années 80, avant d'être signé chez Phonogramme à l'époque et avoir enregistré un album qui finalement n'est jamais sorti. Et le groupe a splitté, bah oui, je pense qu'il y a beaucoup de groupes où c'est arrivé, ce genre de mésaventure. Et du coup, des passionnés, puis je crois que les membres du groupe ont décidé de s'y remettre et de ressortir cet album pour laisser une trace maintenant. Donc du coup, c'est ressorti en vinyle et en CD, voilà. Donc l'album s'appelle Nous ne dansons plus la nuit. On va se faire tout simplement Nous ne dansons plus la nuit. Transmet plus. Sympa tout plein, très cool, mais moi j'aime beaucoup ce P de groupe Embers. Ouais, c'était sympa ça, le deuxième groupe là. Et juste avant, plus ancien, puisque les morceaux datent de 86 à peu près, les Fils de Joie avec leur album qui n'est jamais sorti, qui ne sort que maintenant en 2023, Nous ne dansons plus la nuit, donc qui a donné son titre à l'album. On va se faire quelque chose d'un peu plus péchu, si vous voulez bien, maintenant. Allez. Avec le groupe Praetor, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Non. C'est d'un groupe parisien qui a fait son premier album éponyme. Alors, les gars jouaient dans des tributes à Pantera, à Sepultura ou à Metallica. Donc, quand on voit ça, on se dit que ça ne va pas être de la musique... douce. Voilà. Donc, extrait de cet album, No Return. I'm Entre thrash et death metal mélodique, bah une belle réussite que ce Aftermath, le dernier album de Carcarias, et le morceau Billions of Suns qu'on vient de s'écouter à l'instant. Et juste avant Carcarias, Predator avec le morceau The Return, extrait donc de leur premier album éponyme. Vous avez trouvé ça comment les gars? Bon, ça réveille. Ah oui, voilà. Tout à fait. Eh bien, la suite, eh bien, c'est à vous maintenant un petit peu de parler. Donc, on va se faire un petit extrait de votre deuxième album, Outer Space. Alors, si vous pouvez en dire quelques mots. Alors, cet album, il a la particularité, on l'a écrit pendant qu'on était en tournée. Donc, ça n'a pas été hyper simple. C'est la suite directe de Sequels. Ça, c'est vraiment les deux choses un peu importantes à ça avec ce CD. Et c'est aussi un petit une photo souvenir puisque c'est avec notre ancien line-up. Donc Alexis qui est avec moi aujourd'hui, c'est pas lui qui joue la batterie sur ce qu'on va entendre. Et voilà, donc c'est teinté quand même de choses passées, on va dire. Mais c'est un CD qui montre un peu la direction sur laquelle on souhaite plus ou moins aller dans l'avenir. J'avais cru comprendre que votre premier album, Sequel, c'était un concept album. Oui. Et est-ce que celui-ci, c'en est un aussi ou... Puisque tu disais que c'était la suite quelque part. Donc est-ce que... Eh ben, c'est un concept album, mais un peu plus simple. C'est-à-dire que le premier, les 8 chansons, c'était vraiment la même histoire dans un ordre bien précis. Et donc le texte avançait avec les chansons. Et là, dans un souci d'écriture, on a changé notre fusil d'épaule. Et on va dire que c'est un livre cohérent d'histoire, mais c'est pas... si t'écoutes la 4 et la 1, l'une après l'autre, l'histoire part pas en sucette, en fait. D'accord, donc les morceaux ne sont pas liés les uns aux autres par rapport à... Ils sont liés aux uns aux autres par un thème, quand même, mais pas par une narration qui va de A à Z. D'accord. Justement, comme moi j'ai que la version promo, quel en est le thème, en fait? Alors là, toi, quand il n'y a pas les chanteurs, c'est là que pour nous, c'est très dur. Puisque nous, on ne chante pas les chansons. Donc, je vous pose des colles. Non, non, mais c'est pas une colle, parce que je l'ai entendu le dire tellement de fois, je vais essayer de faire un résumé qui me semble correct. Mais c'est plutôt un voyage introspectif d'une personne autour de ses sentiments, de ce qu'elle peut vivre, de ses peurs, de ses angoisses, de ses joies, d'un peu tout, en fait. Et donc l'album, vous l'avez enregistré pendant le confinement, pendant... Alors non, celui-là, là, le deuxième, on l'a enregistré cet été, au studio Émergence à Châteauneuf. Voilà, avec Stéphane. Et on a enregistré ça à l'ancienne, avec des vraies batteries, des vrais amplis, des vrais gens qui font les vrais trucs. Il n'y a pas de magot, il n'y a pas de faux amplis, il n'y a pas je ne sais quoi. On a vraiment joué les trucs. D'ailleurs, ça s'entend, et moi d'ailleurs je préfère ça plutôt que ces productions actuelles beaucoup qui sont très froides et ça sonne la mort, mais en même temps il n'y a pas d'âme. Si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Moi c'est exactement ce que je veux pas qu'on fasse, donc je vois très très bien. Parce que c'est moi qui ai mixé l'album, donc j'ai pas envie d'avoir le même son que tous les autres groupes de rock ou de métal, que ce soit en France ou à l'étranger en fait, ça m'intéresse pas. Ouais, tu vois, une réflexion que je me suis faite en écoutant l'album, c'est un truc pour moi qui aurait pu être enregistré dans les années 70. Oui, bah, ça, c'est un bon compliment. C'est un bon compliment. Pour moi. Moi, j'en suis très très content de ça. Même si on n'a pas pu faire exactement ce qu'on voulait. Mais je pense qu'il y a une patte sonore qui s'est bien dessinée avec cet album-là. Et j'espère qu'on pourra dans l'avenir la pousser encore plus loin. Eh bien, j'imagine que ça vous donne, chers auditeurs, qu'une envie, c'est de découvrir à quoi ressemble donc cet album qui s'appelle Outer Space. Et le morceau là que tu as choisi, c'est My Tribe. Je crois que c'est votre premier clip, c'est ça? Exactement. Et tu peux nous en dire deux petits mots comme ça, vite fait? Bah oui, en fait. Alexis, tu peux participer aussi. Alors, petite parenthèse, moi j'ai rejoint le projet seulement officiellement au mois de novembre dernier. Donc je suis pas encore assez au fait de tout ce qui a pu se passer, etc. Donc cet album-là, en tout cas sur la production, moi j'ai participé à rien du tout. Je vais le défendre sur scène et c'est déjà ça. Mais voilà, je suis pas le plus au fait de tout ça, donc je vais déléguer beaucoup à Romain là-dessus. Je suis en galère ce soir. Si vous écoutez les copains, je vous aime. Mais donc ouais, c'est une chanson qui parle un peu de... Bah, littéralement de sa tribu en fait, les gens qu'on choisit, nos amis qui vont former notre cercle en fait. Et cette chanson parle en fait du public qui nous a suivi tout au long de la tournée en 2023, parce qu'on a quand même fait 35 concerts, donc c'est pas mal. Oui, vraie tournée, quoi. Voilà. Et c'est une chanson, en fait, qui parle un peu de ça, en fait. Les gens, les spectateurs, c'est notre tribu à nous. Eh bien, on découvre tout de suite. C'était. Ben les gars, vous avez travaillé un petit peu. C'était My Tribe, le premier single issu de Outer Space. Du groupe. 5 mai 2023, Orpheum Black. Voilà. Donc, c'est votre deuxième album. Mm. Enfin, trois si on compte votre. Le petit EP, ouais. EP que vous aviez sorti. Qui avait été justement composé pendant le confinement. Non, pardon. Le premier album était enregistré pendant le confinement. Que je te disais d'ailleurs en antenne, je trouve une petite vibe vraiment Alice in Chains sur ce morceau. Bah c'est cool, moi ça me fait super plaisir et je sais que Greg ça lui ferait plaisir puisqu'on adore toujours autant Alice in Chains, lui comme moi. C'est vrai que moi aussi Alice in Chains j'adorais beaucoup à l'époque de l'installer, Facelift et Dirt pour moi c'est vraiment deux chefs-d'œuvre. Et au départ j'étais un peu sceptique avec le nouveau chanteur, Ah, moi je trouve qu'il a, et il a franchement bien pris sa place. Le dernier album, j'avais pris vraiment une claque. Est-ce qu'un peu de rock'n'roll crasseux ça vous dit? Oui, ça fait toujours du bien. Ouais. Un mélange de Motorhead, Ramones, AC/DC, genre de groupes qui sont bien la sueur, bien rance et la bière éventée. Allons-y. Venu d'Australie, donc premier album de The Strip, Ain't No Crime to Rock and Roll. C'est vrai, c'est pas un crime. Et d'ailleurs, c'est le titre de l'album et de la chanson de ce soir. Il est 19h40 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Vous êtes bien en train d'écouter Electric Shock. Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Et ce soir, avec en invité Romain et Alexis du groupe Orpheum Black. On s'est fait du pur rock'n'roll à l'instant avec Nashville Pussy, avec un extrait de Please to Eat You, leur album de 2018. C'était She Keeps Me Coming and I Keep Going Back. Et juste avant, venu d'Australie, The Strip avec 2P et le morceau No Crime to Rock'n'Roll qui donne son titre à l'album. Ça fait du bien, ça, hein? Oui, c'est bien rock'n'roll. Ça doit te rappeler pas mal de souvenirs, ça. Oui, bah, je racontais à Alexis, ça me rappelle quand on a joué avec Greg en première partie de Nashville Pussy au Moulin Rouge. C'était un petit clin d'œil, justement. Ah, d'accord. Et Chris de Prisma, de Cric Forzik, là, vous fait un petit coucou aussi. Salut à toi, Chris. Salut à toi. On va se faire la première nouveauté de la soirée avec l'album de Saxon de reprise, More Inspirations. On aurait pu penser que Saxon se serait attaqué à un nouvel album, mais bon, je pense qu'ils ont dû se sentir frustrés après avoir fait leur premier album de reprise pendant le confinement, en se disant « Oh, il y a tellement de chansons qu'on aime qu'on a envie de les rejouer, quoi, voilà. » Et puis, bah, je sais pas si vous avez suivi, mais Saxon, ce moment, ils ont une actualité assez chargée quand même, puisque bah, on a appris que Paul Quinn, guitariste d'origine, quittait les tournées, parce qu'apparemment, son état de santé fait qu'il a plus envie d'être sur la route. Et donc du coup tous les concerts là actuellement sont annulés et le remplaçant est déjà connu. Ils n'ont pas perdu de temps. Vous savez de qui il s'agit ? Pas du tout. C'est de Brian Tatler, le guitariste de Diamond Head. Ok. Donc, pas un perdreau de l'année non plus, mais je pense que qualitativement ça doit le faire aussi, quoi. Il y a beaucoup de groupes en ce moment. Il y a des transferts de guitaristes là dans les vieux pots. Et apparemment Paul Quinn par contre reste toujours pour composer et travailler en studio. Donc ce More Inspiration contient donc des reprises variées, on y retrouve du Rainbow, Kiss, les Animals, Alex Harvey Band, des trucs connus et des trucs un peu moins connus. Alors il y a des morceaux qui sont un petit peu dispensables, mais jamais ridicules. Et par exemple, il y a cette reprise de Cream, Tales of Brave Ulysses, qui par contre, on aurait pu croire qu'elle sort d'un album de Saxon. C'est ce qu'on va se faire là tout de suite, maintenant. Would bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun. And the colors of the sea blind your eyes with trembling mermaids. And you touch the distant beaches with tales of brave Ulysses. And his meetings were tortured by sirens sweetly singing. And the sparkling winds are calling you to kiss their white lips. With tales of brave Ulysses. C'était Romain, je te laisse parler. C'était Wipe Down. Voilà. Avec le morceau Sometimes. Extrait de l'album Pay Your Dues, ouais. J'étais un grand fan. Hein. Ça me fait plaisir, ça faisait longtemps que j'ai pas écouté. Et à chaque fois que vous veniez, c'était toujours avec grand plaisir. J'étais toujours content de voir votre nouveau album. Je dois avouer, j'ai eu ma petite larme à l'œil lors de votre dernier concert quand même. Ah bah c'était un chouette concert en même temps, c'était bien amusé. Je me rappelle bien, ouais. Juste avant Wild Down, c'était la première nouveauté de la semaine, le nouvel album de Saxon, More Inspirations, album de reprise. Et là, c'était une reprise de Cream. C'était le morceau Tales of Brave Ulysses. Est-ce que ça vous dirait que je vous emmène faire un petit tour en Italie? Allez. Écouter du heavy metal? Allons-y. Eh bien, repartons donc écouter le deuxième album de Slither, Deadlights, et on va se décrasser les oreilles avec Speed of Fright. Oh, man. voyage en Italie. Et là, à l'instant, c'était Bastet avec Masquerade, extrait donc de leur premier album éponyme. Et juste avant, Slither avec Speed of Right, extrait de Deadlights. Alors, il vous a plu ce petit voyage italien? Ouais, c'était sympa. Du pur métal. Ben, maintenant, d'Italie, on va refaire un tour à Orléans. On va refaire un petit tour à Orpheum Black. Allez. Alors, on va se faire un petit extrait de votre premier album, Sequels. Tu nous as choisi donc le morceau Together and Alone, c'est ça? Oui. Et est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui. Alors, c'était le troisième clip, c'était le troisième morceau qu'on a sorti. Il a été écrit pendant le confinement. Donc, j'ai fait ça tout seul dans ma chambre, en mode galère. Et il raconte bien l'humeur dans laquelle on était un peu tous à ce moment-là. Et c'était un peu le morceau qui fait, je trouve, qui fait le mieux le lien entre la musique qu'on jouait sur Sequels et la musique de maintenant, avec le côté un peu cinématographique et plus progressif. Ok. Eh ben, on découvre tout de suite maintenant. Thank you. Together and Alone, c'était bien ça? C'était ça. Extrait donc de Sequels, votre premier album. Alors moi, je découvrais le morceau là en écoutant en casque. J'ai trouvé vraiment un feeling très Pink Floyd. Ouais, bah c'est oui, un peu de ça, ouais. Et par contre, c'est clair que c'est pas un morceau que j'aurais envie d'écouter un jour de cafard. Exactement, c'est vraiment ça. Ça parle vraiment d'un truc pas très positif. Donc oui, c'est normal que ça te donne pas la patate. Avec le temps, on essaie de faire un truc un peu plus joyeux, mais je sais pas, on aime bien faire des trucs un peu avec des ambiances sombres. Ah, mais moi, j'adore les ambiances sombres en matière de musique. C'est pour ça, je pense que la crise sanitaire, en fait, je pense que ça a été une source d'inspiration incroyable pour énormément d'artistes, en fait. Ouais, bah, en tout cas, moi, ça a été une bonne source d'inspiration. Parce que ça a permis à tout le monde, du jour au lendemain, on s'est retrouvé coupé de notre vie de tous les jours. C'est sortir, aller au travail, rencontrer des gens, etc. Du jour au lendemain, on nous a dit, paf, tu restes chez toi, tu vas juste chercher de quoi manger, tu rentres, interdiction de voir les copains, interdiction de voir la famille. Waouh, c'est... Non, puis en tant que musicien, il s'est passé un truc quand même, c'est que... Enfin, moi, c'est mon boulot maintenant depuis presque 15 ans. Ça faisait très longtemps que j'avais pas pu me retrouver à faire que de la guitare tranquillement sans avoir aucun autre objectif que de faire de la guitare. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais rien d'autre à faire que de jouer. Ouais, c'est ce que beaucoup de musiciens disent et en même temps, beaucoup de musiciens, je sais pas si t'es comme ça, en fait, vous avez la bougeotte quelque part. Ah oui, en fait, on a toujours besoin de faire des trucs. Moi, je vois, je suis jamais chez moi. Je suis toujours à droite à gauche. Faire plein de choses et au final, bah, ça nous empêche quelque part de travailler comme il le faudrait. Mais on prend pas le temps nécessaire, tu vois. En fait, très vite, ça nous ennuie. On a vite besoin d'aller jouer en concert, d'aller voir des gens. Parce que c'est ça aussi qui nous donne l'inspiration. C'est évident. Mais du fait de cette introspection aussi, je pense que de ce côté oppressant, vous en avez sorti quelque chose de positif, justement, le fait de mettre ça sur en musique, en parole aussi, quelque part. Et en image aussi, parce que comme je t'ai dit, on l'a clippé. Ouais. Il est super, c'était l'occasion de le regarder. Il a été réalisé justement par Nathan, le bassiste. Et Alexis était là aussi sur ce tournage-là, parce qu'il bossait avec Nathan. Donc voilà, avec les images, ça paraît un peu moins dark que quand on fait que de l'écouter, je trouve. C'est un peu plus positif. C'est pas non plus hyper joyeux. Hein, mais... Non, mais en même temps, quand les influences qu'on citait, de toute façon, c'est pas des groupes hyper joyeux. On parlait d'Anathema, Alice in Chains, c'était pas des groupes qui respiraient comme la joie de vivre. Bah, hein, quand non, même. Pink Floyd, pareil. Pink Floyd aussi. Moi, mes groupes préférés, c'est Porcupine Tree, tu vois, c'est pas non plus hyper positif non plus. Hein. C'est assez torturé, oui. Eh bien, on va se faire un changement de style. On va faire du punk oi avec le live de Angelic Upstarts, légende du punk britannique, avec son live Fiesta La Masse 2016, sorti là récemment, et enregistré à Rennes en octobre 2016, en hommage à Mency, leur chanteur disparu l'année dernière. On va faire un petit brûlot qui s'appelle Police Operation. Just get it set. Sec, la légende du rock punk orléanais, avec Tous Ensemble en live, extrait de leur album Dernier Combat qui était sorti en 1985, et Comme In Turn Sect qui sera en concert à l'Astrolabe samedi soir. Okay. Juste avant, toujours en live, c'était Angelic Upstarts avec un extrait de leur album Fiesta La Masse 2016 et le morceau Police Operation. Bah tiens, puisqu'on parle de concert, Romain Alexis, j'imagine que vous avez quelques dates de prévues maintenant que l'album va être bientôt dispo. Ouais, alors l'album il sort le 5 mai, du coup le vendredi 5 mai. Et juste avant ça, on fait trois concerts. Le premier c'est le jeudi 20 avril au Printemps de Bourges sur la scène Berry. C'est une date qui pour nous est tombée il y a pas si longtemps, mais du coup on est content, ça va nous mettre bien en jambes pour la release. Et après on enchaîne le 29 avril au 33 Tours à Saintes. Donc première date vraiment à l'extérieur, on va dire. Et avant le jeudi 4 mai, du coup note la plus grosse date. Là, qui est à venir et qui est très très importante pour nous, la release de l'album. Donc le jeudi 4 mai à l'espace Montition à Saint-Jean-le-Blanc. Ouais, t'as fait J'y suis, c'est ça. Je crois qu'il y a d'autres groupes avec vous d'ailleurs ce jour-là. Ouais, en toute première partie, il y a Jackie Wood. Je sais pas si tu l'as déjà reçu ici, mais ça, c'est un artiste qui vole des tours, c'est un artiste tourangeau. Il est seul sur scène et il construit tous ses sons tout seul et il a un pédalier qui est grand comme la table qu'on a ici dans la cabine. C'est vraiment assez impressionnant à voir. Juste après lui, il y a nos grands copains d'Esprit d'Escalier qui eux aussi font la release de leur EP qui sortira certainement plus tôt vers la fin d'année. Mais on est très très heureux de partager la scène avec eux. Ça va vraiment faire plaisir d'avoir autant d'artistes comme ça et une bonne soirée à venir. Oui, puis j'ai vu aussi, là, moi je triche un peu parce que j'ai la bio, vous allez faire le Motocultor aussi. On va faire le Motocultor exactement fin août. Donc ça c'est une date qu'on a entre guillemets gagnée il y a un an je crois, en faisant un tremplin, un Quimper au Novomat, voilà, qu'on avait réussi à remporter. Et on avait dans le package, normalement, une date au Motocultor. On est très content de la faire. Surtout qu'on va jouer sur une bonne scène et un bon horaire. Donc ça va être très très chouette. Vous n'avez pas un petit peu peur quand même? Parce que le Motocultor, c'est comme des groupes particulièrement... violents. Bah, y a Anathema qui a joué au Motocultor, tu sais. Donc, Bah, puis là, la prog de cette année, il y a des trucs qui sont vraiment violents, mais ça va, je m'attendais... Enfin, je trouve qu'en comparaison aux prog des années précédentes, ça va, c'est quand même pas trop vénère. Et nous, on joue à un horaire favorable pour le coup. Et puis, je trouve que le métalleux lambda, quand même, ça a tendance un peu à s'adoucir dans l'ensemble. Oui, et puis dans l'ensemble, quoi qu'on en dise, je crois que le métalleux, c'est pas le plus sectaire dans l'ensemble. Hein. Non. Non, c'est la preuve, nous, tu vois. On écoute du heavy metal italien et après, on écoute... Voilà, c'est Electric Show. Voilà. On y peut trouver de Bon Jovi jusqu'à Marduk, en gros, voilà, quoi. Bah tiens, la suite, c'est dommage qu'elle soit pas là, parce que je me suis dit, tiens, je vais faire un petit clin d'œil à tout le monde. J'avais eu envie de passer un petit extrait du EP de No Sign Nothing, okay. De votre consoeur Mélodie. Et bah Mélodie, si tu nous écoutes. Hein. Voilà, petite dédicace. Est-ce que tu peux dire quelque chose un petit peu sur No Sign Nothing, vu que vous avez quand même partagé la scène pas mal de fois C'était rigolo, parce que c'était un peu nos rivaux à l'époque, Greg. Donc on se tirait un peu la bourre et, pour je ne sais quelle raison encore aujourd'hui, je ne sais pas trop pourquoi. Mais c'était très très rigolo parce qu'ils essayaient un peu de faire les wild on debout, quoi. C'était assez rigolo. Bref, voilà, c'était mon petit message à propos de No Sign. Rivaux pourtant musicalement quand même, vous étiez quand même très très loin, on est d'accord. Voilà, c'est pour ça No Sign Nothing était plus pop, même s'il y avait comme des guitares énervées, et vous évoluiez dans une autre sphère. Qui ne sont pas incompatibles, loin de là. Hein, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est ce que je veux dire. Donc, petit clin d'œil à Mélodie, si elle nous écoute. On va se faire donc un petit extrait du One Night émission. Only. One Night Long. Et là, on va se faire le morceau One Night Long. Things Like Me, c'était Sika, extrait de son premier album It's Time. Sika d'ailleurs qui sera en concert à l'Octopub à Saran. C'est dans la zone commerciale du Cap Saran. Enfin, je sais pas où exactement. Enfin bon. C'est ça, c'est au Cap Saran. Ouais. Et juste avant Sika, eh ben No Sign Nothing, Mélodie, si tu nous écoutes, petit coucou. Extrait donc du EP One Night Only, et c'était One Night Only. Ça va toujours ? Oui, toujours. Très bien. Et on attaque la dernière demi-heure d'Electric Shock. Je vous rappelle qu'Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Et ce soir, exceptionnellement, j'ai Romain et Alexis, donc du groupe Orpheum Black. Et là, on va se faire la deuxième nouveauté de la soirée. Et on va faire du death metal avec le groupe Gorod, groupe de death metal bordelais, qui existe depuis une vingtaine d'années. Donc, ils ont du métier. Et on va se faire un petit extrait du dernier album The Orb. Et ça va être Walls of Shades. On va se décrasser les tympans avec ça. Insomnia, un extrait de We Have Caught the Sun, le dernier album de Monolith. Juste avant, c'était la deuxième nouveauté de la soirée, c'était Gorod, mais vous n'avez pas eu Walls of Shades parce que la platine m'a fait un petit tour. Du coup, elle m'a pas sélectionné le bon morceau et donc du coup, vous avez eu Crématéisme au lieu de Walls of Shades, extrait donc de The Orb. Ça fait du bien, ça décrase les oreilles, ça. Hein, effectivement. Ouais, le groupe bordelais, là, ça m'a bien plu. Ouais. On va se faire un petit instrumental maintenant. Et en regardant chez moi, je suis tombé sur un disque d'un guitariste que j'ignorais complètement, Romain Clément. Ça vous dit quelque chose, ça? Qui avait sorti un album il y a quelques années qui s'appelait Homework, je crois, si mes souvenirs sont bons. C'est exactement ça, ouais. N'est-ce pas? Alors, cette petite récréation de l'époque, est-ce qu'elle donnera suite? Est-ce qu'il y aura Homework 2? T'es pas la première personne qui me demande. J'imagine. Il faudrait que je me motive. J'ai plein d'idées de trucs et j'ai plein de maquettes chez moi. J'en ai des tas et des tas. Je pourrais faire 4 homework, mais il faudrait juste que je me motive à les enregistrer proprement, en fait. Mais oui, je vais essayer de le faire avant mes 40 ans. Donc, c'est la résolution de l'année 2023, ça. Ouais, ouais, ça va, ça me laisse 6 ans. Voilà, bon, bah, Non, mais peut-être avant, je sais pas. Non, mais vraiment, c'est vrai que t'es pas le seul qui m'en parle de ce truc. Il faudrait que j'essaye de. C'était rigolo à faire. Mais si j'en refais un, ça serait pas tout seul. Parce que là, je suis vraiment tout seul à tout faire. Je veux bien t'aider. Voilà. Donc, et voilà, ben, t'as déjà trouvé un complice déjà. J'ai un complice. T'as déjà un batteur de trouver, donc. Bon, je pense que je peux trouver un bassiste aussi. Ça doit se faire. Voilà. Eh bien, cet album s'appelait Homework. Eh ben, on va faire Homework, hein, tout simplement. les Argentins de Power and Glory avec un extrait de leur album World Werewolves. C'était toute une version instrumentale de Free Rider. Alors Free Rider fait partie des bonus de l'album, bonus qui consiste en fait à une version instrumentale de leur album précédent qui s'intitulait The Last Rebel, si vous avez suivi. Et juste avant Power and Glory, c'était Romain Clément, un guitariste inconnu, je crois, non? C'est inconnu, c'est sûr qu'il est inconnu celui-là. Non, il est mondialement connu dans son quartier. C'est ça. Romain Clément, qui accessoirement aussi est aussi guitariste de Orpheum Black. Exactement. Je crois. Tout à fait. Donc c'était de ton unique album Homework, c'était tout simplement Homework. Eh bien, est-ce qu'on pourrait se faire maintenant un petit morceau, une petite nouveauté? Alors, on va faire un petit tour du côté de Tours. Ah bah, allons-y. Découvrir un nouveau groupe qui s'appelle Element, vous avez entendu parler? Ah oui. Donc ça devrait vous plaire parce que ça fait penser à Porcupine Tree, Tool par moment, il y a plein de choses différentes. Avec Maxime Serrer à la batterie, que je salue s'il nous écoute. Et bien donc on va découvrir tout de suite avec cet extrait de cet album Nouvelle Air, un morceau qui s'appelle Les Jours sont longs. Les jours sont longs du groupe Éléments, extrait du premier album Nouvelle Ère. Voilà, donc c'était la troisième et dernière nouveauté de la soirée. C'est sympa ça. Ouais, c'est très sympa. Et il est déjà, oui, oh, presque l'heure de se quitter. C'est vrai que ça passe très très vite quand on est en bonne compagnie et qu'on a de la bonne musique. Eh bien, on va faire honneur à nos invités pour terminer l'émission. On va revenir donc à l'album Outer Space qui doit sortir le 5 mai, hein, c'est bien ça ? C'est ça. C'est ça. Donc, on va se faire un petit extrait pour finir en beauté avec le morceau Heartbeat, c'est ça que vous avez choisi ? Oui. Quelques petits mots sur ce morceau ? C'est un morceau rigolo parce qu'on l'a composé avec Greg le soir de Noël, voilà. Dans un état d'ébriété avancé ? Ah, pas du tout, pas du tout. On n'avait rien d'autre à faire et on a passé toute la journée à écrire un truc et puis ça a donné ce morceau-là. Et pour l'anecdote, Greg était une mission bûche à la soirée où il arrive pour Noël et il l'a laissé chez moi, donc il n'avait pas de bûche. Et c'était très marrant puisqu'il m'a écrit un message tard pour me dire « Merde, j'ai oublié la bûche chez toi, mec. » Voilà, donc quand j'écoute ce morceau que je joue, je pense toujours à cette anecdote. Voilà. Eh bien, on s'envoie ça tout de suite. Ben, ces inconvénients du direct, la platine me fait encore une petite frayeur. J'aime mieux ça. Oh. Fleet d'Orpheum Black, nos invités du soir, extrait de leur nouvel album qui va sortir début mai. C'était le dernier morceau de la soirée. Eh bien, merci encore à vous, les gars, merci pour l'invitation. C'était sympa. J'espère, chers auditeurs, que ça vous aura donné envie de découvrir l'album. Donc pour ça, il va falloir attendre dans Electric Shock début mai sa sortie, qu'on en repassera d'autres. Et puis n'oubliez pas qu'Orpheum Black est en concert prochainement. Bah, rappelez-nous les dates, tiens. Le 20 avril au Printemps de Bourges. C'est ça. Le 29 avril à Saintes. Et le 4 mai à Saint-Jean-de-Blanc, l'espace Montissimo. Et ouais. Le 4 mai, c'est notre release party, donc voilà, c'est très important pour nous. Et il y aura des petites surprises, on n'est pas tout seul sur scène. Donc c'est un show vraiment sur mesure et vraiment particulier qu'on vous a préparé. Donc on espère venir vous voir nombreux. Voilà, bon bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi déjà, je vais le noter ça sur mon agenda, mais c'était déjà fait déjà. Donc super. Le 4 mai, je peux vous dire que j'irai voir Orpheum Black et puis je vous en ferai un petit compte-rendu. Bah, donc j'espère que vous retrouverez aussi nombreux là-haut. Romain, Alexis, merci encore d'être venu. Merci à toi. À très bientôt. À très bientôt. Oui. Et ben moi, chers vos auditeurs, je vous dis à mardi prochain, bien sûr, pour d'autres aventures. Portez-vous bien, écoutez plein de métal et Radio Arc-en-Ciel. Salut à tous. Combina João Mário com Gilberto, tira do caminho de Marco, belo pormenor, lá está Gilberto, não passa, a por Bastoni subiu no corredor, o esférico ainda para Rafa Silva, efetua o atraso na direção de Chiquinho, lá está ele a colocar mais à esquerda, a bola para Auschwitz, capitão norueguês, ainda o camisola 8 do Benfica a tentar desfeitear a muralha muito bem armada por Simone Inzaghi, já vou ao Luís Cristiano.